Chapitre 22e. Un grand projet. La nuit suivante fut très pénible pour les deux artisans. Chacun revivait les quelques minutes décisives qui avaient ôté la vie des deux brigands. Certes, ces malandrins n'auraient pas hésité à les assassiner, mais ni Anicet ni Corentin n'avaient une âme de tueur et leur comportement, depuis les événements, était bien éloigné de leur vie passée. À ces remords s'ajoutait l'incertitude du lendemain. Les affaires marchaient mal car la plupart de leur clientèle, faites de nobles et de bourgeois, avaient émigré ou quitté la ville. À quoi bon fabriquer encore? Inutile de gâcher de la marchandise. Ils parvenaient tout juste à subsister, et ils voyaient avec désespoir le jour où ils devraient se louer pour aller bêcher la terre au-delà des murs, ou garder les bâches. Tous leurs moyens avaient été mis en commun. Hyacinthe avait maintenant des lapins, Jeanne avait pris 3 poules de plus, et Corentin avait obtenu l'autorisation de travailler un coin du jardin attenant à sa maison, pour y cultiver des salades, des poireaux et autres légumes. Il y nourrissait aussi une chèvre qui donnait son lait. Enfin et surtout, l'un comme l'autre était l'objet des jalousies et de la rancune de ceux de leur classe. Ce Corentin, ce diable de grand rouquin avec une femme bien trop belle, comment avait-il pu échapper par 2 fois à la corde? Il n'y a jamais de fumée sans feu, il était certainement coupable de quelque chose, qu'on le veuille ou non. Il devait bénéficier de protections occultes, c'était certain. Et Humbert, le tapissier? Il fallait bien qu'il payât la part prise dans la fausse arrestation de Pascalis. Bérangis s'était soi-disant suicidé. N'était-ce pas pour l'empêcher de parler? Ce grand brun, beau parleur, enjôleur et intrigant sans cesse, difficile de savoir de quel côté il était vraiment. Dans le courant du mois de mai, un mandat d'arrêt fut lancé contre l'abbé Rive. Il était reconnu comme un élément perturbateur et hautement nocif à la paix publique. Prévenu à temps, il s'enfuit à Marseille, d'où il continua secrètement à manigancer les intrigues les plus noires. La municipalité avait bien du mal à reprendre les rênes du pouvoir, et c'étaient les clubs et les lobbies qui menaient les affaires de la ville et le sort du peuple. De surcroît, Marseille tentait de reprendre la suprématie de la région et traitait Aix en petite sœur immature et irresponsable. Certains ne se rendaient compte de rien, mais Corentin et Anicet, un peu plus instruits que la moyenne des artisans et ouvriers de la ville, voyaient clair dans cette politique marseillaise. De plus, les artisans, comme leurs compagnes, comprenaient que la situation ne se redresserait pas de sitôt. Les révolutionnaires, bien que critiquant la religion, ne faisaient rien d'autre que d'immoler des victimes sacrificielles sur l'autel de la République, copiant en cela les pratiques païennes ancestrales. Dans le fond, disait Anicet avec sarcasme, nous avons simplement changé de religion. Maintenant nous avons celle des barbares. L'aigreur et l'outrance de ces propos montraient assez la totale désaffection des amis pour les pratiques révolutionnaires. À cela, il fallait ajouter qu'aucun d'eux n'était aixois. Aucun lien réel d'affection, aucun souvenir d'enfance ne les rattachait à cette ville dans laquelle ils s'étaient établis. Ils l'avaient choisie pour sa chalandise, son climat et rien d'autre. Le mépris avec lequel on y traitait les artisans, les ouvriers et les paysans leur avait tout de suite déplu et avait été la raison principale de leur adhésion aux idées révolutionnaires. Mais la méthode d'éradication des privilèges leur paraissait dépasser toute mesure. « Tu n'es pas d'accord, on te pend », aimait à dire Corentin avec aigreur. Un peu après la fuite de l'abbé Rive, on leur interdit l'entrée du club des amis de la Constitution en leur signifiant leur exclusion. La mort dans l'âme, ils allèrent demander conseil au chanoine Jouve. « Mon père, je sais qu'il est difficile pour vous de vous mettre à notre place, mais que feriez-vous dans notre cas ?» lui demanda Anicet. Le chanoine réfléchit tout en inspectant un os dans lequel il essayait d'identifier une maladie. Puis, après une profonde inspiration, il déclara « Écoutez, mes enfants, vous êtes jeunes et vaillants. Vous avez entre les mains un bon métier qui peut s'exercer n'importe où. Le monde est vaste et vous ouvre les bras. Pourquoi ne pas vous expatrier ?»« Tout de même, mon père, » s'écria Corentin. « Et quoi ?» repartit le chanoine. « Vous n'avez pas de famille, pas d'héritage. Vos maisons ne vous appartiennent pas. Rien ici ne vous retient. Prenez vos femmes sous le bras, votre caisse à outils et levez le pied. C'est aussi simple que cela. » « Non, mon père, ce n'est pas aussi facile. Il nous reste à savoir où aller, » ajouta Corentin. « Ah, mes enfants, je suis allé dans beaucoup de pays, mais ils sont bien trop lointains pour vous. Ici, de toute façon, je crois bien que le pire est encore à venir. Nous vivons un bouleversement profond de notre société et cela va se faire dans le sang et les larmes. Je le sens. Choisissez un pays proche, où les hommes ne sont pas encore devenus fous. » Le soir, à la veillée, l'idée fut mise sur le tapis et chacun donna son avis. Manon commença en outrant ses propos à l'aune de sa colère. « Il a raison, le chanoine. Que faisons-nous ici à nous pourrir la vie, à bientôt mourir de faim, pour des gens qui n'en valent pas la peine? J'en ai par-dessus la tête de leur révolution avec ses combines. » « Oui, Da, mais je te rappelle que la révolution touche pratiquement tout le pays, » lui fit remarquer Armande. « Alors qu'on soit ici ou ailleurs, ça ne change pas grand-chose. » Tous avaient la même énorme idée en tête, mais aucun n'osa la formuler, comme s'il s'était agi d'une trahison, l'exil hors de France. D'emblée, Jeanne, Angèle et Hyacinthe décidèrent de se joindre aux deux artisans et à leurs femmes, un peu pour les mêmes raisons que les deux couples, pas de famille, donc pas d'attache et encore moins de biens à sauvegarder. Angèle avait le secret espoir de trouver une communauté religieuse qui pût aussi accueillir Jeanne. Hyacinthe, quant à lui, voulait tenter une aventure au moins une fois dans sa vie. La solution du voyage au long cours fut écartée, trop risquée, trop chère, trop hasardeuse. Le port de Marseille regorgeait d'histoires de naufrages catastrophiques. Angèle se voyait déjà tombée aux mains de pirates barbaresques, terminant sa vie dans un bouge algérien. De plus, aucun des sept amis n'était très calé en géographie économique de l'Europe. On décida donc de laisser faire la Providence qui ne manquerait certainement pas de les éclairer. Il suffisait d'ouvrir les oreilles et les yeux. En attendant, et le plus discrètement possible, ils se mirent à préparer leur départ. Petit à petit, le projet faisait son chemin dans le cerveau de chacun. Corentin fit capitonner par Anicet la série de fauteuils qui lui restaient. Pour ne pas alerter l'opinion, il décida d'écouler ses marchandises par petites quantités. Ainsi, au marché du mardi, Armande commença à en mettre en vente à moins de la moitié de leur valeur. À la fin de la matinée, les hommes, prêts à se damner pour un sourire de la belle, avaient poussé leur commère à faire affaire. Le mardi suivant, à la fin du marché, il n'en resta plus ni fauteuil ni chaise, la cave était vide. Anicet avait fait de même avec les tapisseries que ses clients n'étaient pas venus retirer. Manon faisait un peu plus de sourire, échancrait un peu plus son corsage et même les femmes succombaient à son charme. Anicet démonta ses métiers avec minutie, pendant que Corentin et Armande rangeaient méthodiquement leurs ciseaux. Toutefois, l'ébéniste eut du mal à trouver preneur des bois qu'il avait stockés. Quant à Anicet, il dut se rendre à Marseille pour écouler les pièces d'étoffe qui lui restaient. Hyacinthe, lui, n'avait que son enclume à transporter, ainsi que ses haleines et tranchets. Le tout ne prenait guère de place. Mais ils n'avaient toujours pas trouvé leur destination. Or, un soir, chez le bouchonniste voisin où ils n'allaient que rarement, ils firent la connaissance d'un colporteur originaire du Valais, au bord du Léman. Ils eurent un peu de mal à engager la conversation avec lui. C'était surtout son accent chantant qui les intrigua en premier. L'homme parlait un peu le piémontais, voisin du Provençal, et la conversation put s'engager à grand renfort de gestes. « Parle-là de ton pays, citoyen. Comment est-ce-tu ? » demanda Corentin. Le vin de Châteauneuf aidant, l'homme s'enflamma et dressa un tableau idyllique de la couleur des eaux du lac, de celle des montagnes, des pâturages, des forêts, sans oublier la beauté des femmes. Mais ce qui impressionna surtout les deux amis, ce fut la description que le colporteur leur fit du système politique des cantons suisses. Ils en restèrent rêveurs et, lorsqu'à 10 heures, le gérant du bouchon dut fermer son établissement conformément à la loi, ils invitèrent le colporteur à souper chez Anicet, repas mémorable pour lequel les amis entamèrent leur dernière réserve. Ils posèrent à l'homme une foule de questions sans lui parler ouvertement de leur projet d'aller s'établir ailleurs. La révolution n'avait encore pas touché le pays valaisan et d'après le colporteur, c'était un pays paisible et accueillant, au carrefour de la France, des pays germaniques et de l'Italie. « Et c'est loin ?» demanda Hyacinthe. « Quand on a le temps et la santé, » rétorqua l'homme, « rien n'est loin. Disons qu'il faut compter plus d'une centaine de lieues. » « Et combien de temps faut-il pour y parvenir ?» continua Corentin. « Tout dépend comment tu voyages, l'ami. À pied, il faut compter plus d'un mois, sans bagnoder. » En utilisant la poste, il te faudra tout de même plus d'une dizaine de jours. « Et toi, comment voyages-tu » demanda Jeanne. « Oh, moi je vais à pied, en tirant ma bricole. Mais je m'arrête partout où je peux vendre quelque chose. Il ne faut pas se baser sur moi pour savoir combien de temps il faut pour aller d'un endroit à un autre. « Et ça coûte combien, la poste ?» demanda Anicet. « Alors ça, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais prise. Je sais seulement que le coût est en fonction du nombre de chevaux et de passagers. » Il y a aussi une taxe supplémentaire pour les monter parce que le postillon met un cheval de plus. C'est compliqué à calculer. « J'irai me renseigner au relais de poste, au début de la rue du Bœuf, » déclara Corentin. Les candidats au départ s'attendaient à faire face à une très grosse dépense. Le colporteur leur conseilla de prendre la malle jusqu'à Lyon, trajet pour lequel la poste fonctionnait assez bien. Ils devraient ensuite négocier un transport pour longer les bords sud du Léman vers l'est pour gagner le Valais. C'était l'itinéraire le plus plat, le plus emprunté et par conséquent le plus sûr. Oh, de Ségur, vous ne serez pas à l'abri des brigands. En ce moment, les campagnes sont peuplées de bandes de nobliaux chassés de leurs terres, mais trop pauvres pour pouvoir émigrer. Ils pillent les paysans, rançonnent et, bien évidemment, dévalisent les diligences. Ils se font passer pour des troupes royalistes, mais en réalité, ce ne sont que des hors-la-loi et des détrousseurs. Ce discours eut pour effet d'anéantir l'enthousiasme des amis et de raviver leurs appréhensions. Angèle tremblait d'avoir à revivre un autre cauchemar. Elle assurait qu'elle n'y survivrait pas. Les amis décidèrent donc de s'armer en cas d'attaque. Corentin et Anissé avaient déjà récupéré une paire de pistolets lors des événements de fin 1790. Il en aurait fallu encore au moins une, voire deux autres paires. Dans les jours qui suivirent, Corentin se rendit au relais de poste rue du Bœuf. Là, il apprit que les diligences comportaient un compartiment central avec deux banquettes de trois places chacune, parallèles au sens de la route. À l'arrière se trouvait la rotonde, un autre compartiment en osier de quatre places, mais couvert. Enfin, à l'avant, une banquette de trois places faisait face à la route et au postillon. Quand la diligence était pleine, 13 personnes y prenaient donc place et le prix de la course en était divisé d'autant. Le maître de poste lui donna donc le prix approximatif d'une place, tenant compte que sur un tel itinéraire, la diligence était presque toujours pleine. À l'énoncé de la somme, Corentin eut un léger étourdissement. Il se garda bien de se récrier ou de marchander, le moment n'en étant pas encore venu. Le prix annoncé sema la consternation dans la bande d'amis, d'autant qu'à cela il fallait ajouter accessoirement le couvert et les nuitées. Même en vendant tout ce qu'il leur restait, jamais ils ne pourraient réunir une telle somme et leur projet reçut un sérieux coup d'arrêt. Ils ne se voyaient pas, surtout les femmes, cheminer le long des routes par tous les temps et courir autant de risques. « Il va falloir renoncer, se résoudre à rester ici et boire le calice jusqu'à la lie, » annonça un soir Anissé. Tous approuvèrent cette décision inéluctable. Pourtant, cette fois, ce fut Corentin qui se montra le plus inventif. « J'ai peut-être une idée, » déclara-t-il, « mais pour l'instant, je ne vais pas vous donner de faux espoirs. » Prétextant lui faire ses adieux, Corentin se rendit chez le notaire Morel. Il ne lui cacha rien des raisons qui motivaient leur décision. Le vieil homme approuva Corentin et rejoignit le chanoine dans son analyse de la situation. « Je ne vois rien de bon se préparer pour nos lendemains. La révolution est un cheval fou que personne ne peut arrêter et qui finira par se jeter dans un précipice. Moi, je suis sûr d'y laisser ma peau. Les révolutionnaires finiront par dire que je suis royaliste et, si les monarchistes reprennent le dessus, je serai pendu comme mauvais sujet. Toi, si tu ne peux sauver ta vie, fais-le. Moi, à ta place, je n'hésiterai pas. » « Oui, maître, » répondit Corentin, « mais vous, vous avez de l'argent. Vous pouvez aller où vous voulez, comme vous voulez, tandis que nous, nos moyens sont plus que limités. Ils diminuent de jour en jour comme peau de chagrin. »« Ah, ça c'est embêtant, » dit Morel. « Dois-je comprendre que tes caisses sont vides ?»« Toute notre clientèle de gens fortunés a fui ou s'est expatriée. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont levé le pied sans nous payer. Alors oui, nos caisses sont vides, malheureusement, » dit-il en écartant les bras en signe d'impuissance. Corentin n'avait pas par habitude de pleurer misère. Son éducation et sa fierté l'en avaient toujours empêché. Mais il se dit que la situation était un cas de force majeure et il fit taire ses scrupules. Morel comprit parfaitement l'appel du pied de l'artisan. « Écoute, Corentin, tu te souviens, quand je suis revenu te voir dans ton atelier, je t'ai dit que je saurais toujours comment te remercier. À dire la vérité, je comptais vous coucher, toi et ton ami, sur mon être étagi. Eh bien, l'argent dont tu as besoin, je préfère te le donner tout de suite, car si tu attends que je meure, tu pourrais attendre longtemps. Je ne le mérite pas, je sais, mais j'ai une santé de fer, » s'écria-t-il avec un petit rire sec. « Attends-moi là, je reviens tout de suite. » Morel disparut dans la pièce voisine et revint bientôt avec une petite sacoche de cuir. « Voilà, c'est ce que je comptais vous léguer. Tiens, prends et n'aie pas de scrupules. » Lorsque Corentin eut la sacoche en main, seul son poids lui indiqua que Morel ne s'était pas moqué des deux artisans. Il en eut les larmes aux yeux. « Mais il y a là certainement plus de 5 000 livres, maître. Tu n'es pas loin du compte, l'ami. Vous avez encore un fils et je ne voudrais pas que... »« Taratata !» le coupa Morel. « Ne réfléchis pas tant. Si je te les donne, c'est que je le peux et que je le veux. Il me semble que ce sont là deux bonnes raisons, non ? En un éclair, Corentin calcula que la somme était bien suffisante pour payer le voyage de toute la petite troupe jusqu'à Lyon, hébergement compris. Et puis tu comprends, c'est à la belle saison qu'il faut voyager. Ainsi vous éviterez le froid, la neige et la pluie. Alors prends cet argent maintenant et n'attendez pas l'automne. Ah, reprit-il enfin, un dernier conseil que je t'invite à suivre absolument. Ne parlez de cela à personne, sinon je ne donne pas cher de votre peau. Détrompez les gens qui pensent que vous allez partir. Si l'on s'étonne de vos ventes à bas prix, dites simplement que vous allez changer d'activité. Corentin fit ses adieux au notaire. Il ne put s'empêcher de le serrer dans ses bras, geste qui émut fort le vieux notaire, peu habitué à de tels transports. Qui aurait dit que cet homme, que Corentin avait découvert dans sa cave, fut un jour dans ses bras? Il revint précipitamment à la maison, en se retournant sans cesse et serrant si fort la sacoche que les jointures de ses mains en étaient blanches. Il monta à son logement et demanda à Armand d'aller chercher les autres, tous, sans exception. Lorsqu'ils furent réunis dans la cuisine, Corentin renversa doucement la sacoche sur la table. Les écus s'écoulèrent en un flot doré, en émettant un doux bruissement à l'ébahissement de tous. Corentin ne penchait presque pas la sacoche afin que le débit durât plus longtemps, chacun prenant bien conscience de la quantité de pièces qui s'amoncelaient sur la table. « Encaro, encaro !» disait-il. En fin de compte, il y avait plus de 200 écus qui représentaient près de 1000 livres. Mais Manisset dut s'asseoir car ses jambes flageolaient sous le coup de l'émotion. « Mais d'où sort ce trésor ? » finirent-ils par demander. « Ça, mes amis, c'est l'héritage que nous laisse Maître Morel pour lui avoir sauvé la vie avec sa famille. » Anisset, toujours circonspect, osa formuler une réticence. « Et s'il allait maintenant nous accuser de vol ? Si la garde arrivait pour nous prendre la main dans le sac ? » s'exclama-t-il. Corentin rit de bon cœur. « Miladius, heureusement que tu n'as pas de mère, Anisset. Sinon, tu l'accuserais de te voler. Regarde ce qu'il y avait aussi dans le sac. » Il en sortit un papier plié qui était un certificat de donation en bonne et due forme, signé du notaire Morel avec un beau cachet de cire. « Moi, Morel de Roncajoles, notaire en la ville d'Aix, déclare ce jour. » « Voilà. Tu vois, de ce côté-là, nous n'avons rien à craindre. » Hyacinthe se frottait les mains, la larme à l'œil. « Tu vois, dit-il à Jeanne, tout ça nous le devons en quelque sorte à feu ton mari, dit-il en riant. Jeanne sourit gauchement et ajouta, « Tais-toi, que de l'enfer où il doit nous maudire. » « Je crois bien qu'il me reste 3 bouteilles de blanc de Tolonnais, déclara Hyacinthe, tout guilleret. « Il faut fêter ça. » Il revint bientôt et les libations commencèrent. Les esprits s'échauffant, il se voyait déjà établi quelque part au bord du Léman, prospère et paisible. « Et si on invitait le colporteur ?» proposa Angèle. « Je crois qu'il n'est pas encore parti. »« Surtout pas, malheureuse. Tu veux nous attirer les convoitises de toute la ville ?» se récria Corentin. « Dès demain, je vais vous voir avec la mine basse et pleurer. Ne parlez de nos projets à personne. À Déguin, vous entendez bien ? Jurez-le-moi. » Quand les 3 bouteilles furent éclusées, les têtes étaient un peu embrumées mais pleines de rêves. Angèle se laissa aller à poser sa tête sur l'épaule de Jeanne et Hyacinthe trouva le tableau charmant. « Oui ?» L'argent faisait le bonheur désormais, aucun d'eux n'en doutait. Mais dans l'esprit d'Armande, germa une petite idée qu'elle n'aurait pas formulée si elle n'avait été grise. « Mais maintenant que nous sommes riches, nous pourrions rester ici » dit-elle d'une petite voix timide. Dans le brouhaha général, Jeanne s'écria « Elle est encore plus estourteau que moi. Le vin, ça ne te réussit pas, ma belle. » Ils finirent par se séparer avec force effusion, comme s'ils allaient parcourir des lieux pour rentrer chez eux, alors qu'il leur suffisait de traverser la rue. Hyacinthe glissa à l'oreille de Jeanne. « Tu m'accompagnes pour porter les bouteilles vides ?» Comme Angèle était déjà rentrée chez Jeanne, cette dernière accepta. Le vin ayant effacé toute inhibition, Hyacinthe fut câlin et Jeanne se laissa faire encore une fois. Mais ce soir-là, étant apaisée et détendue, elle accueillit Hyacinthe sans retenue ni appréhension et éprouva dans le bas-ventre une chaleur bienfaisante. Quant à Hyacinthe, il fut doux, caressant, et ce transport lui laissa une sensation de plénitude qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Cette étreinte ne dura que quelques minutes, mais en se quittant, les regards qu'ils échangèrent étaient pleins d'affection et de reconnaissance. Le surlendemain, Anisset et Corentin rendirent visite au chanoine Jouve. Ils attendirent qu'il fût seul pour lui annoncer leur décision. Ils ne lui cachèrent pas qu'ils avaient reçu une grosse somme d'argent en héritage et que, désormais, le voyage ne posait plus de problème. La seule ombre au tableau était l'armement dont il devait se munir pour pouvoir faire face à toute attaque de brigands. « Oh ! S'écria le chanoine, « mais j'ai ce qu'il vous faut. Moi aussi, je veux contribuer à votre voyage. Espérez-moi 5 minutes. » Au bout d'un moment, il redescendit de son appartement avec, dans les bras, un paquet informe qui paraissait lourd, fait d'un drap en tortillé qu'il posa sur la table. Il déplia le linge et 5 pistolets apparurent alors dans leur robe d'acier grillé de bois poli. « Ce sont des armes qui appartenaient à des officiers du Lyonnais et qu'ils m'avaient donné à garder avant d'être arrêtés. Maintenant, allez savoir où ils sont. Ils ont été libérés mais sont partis sans demander leur reste. Autant que ces armes vous servent, et je suis bien content de m'en débarrasser, surtout à votre profit. » Corentin examina les pistolets, 2 belles pièces de la manufacture de Charleville, d'une grande qualité. « Faites attention, » dit le chanoine. « Il est possible qu'ils soient chargés, mais la poudre est peut-être humide. Je n'ai malheureusement pas les munitions qui vont avec, mais je vous fais confiance, vous trouverez. » Anicet pensa qu'il était peut-être possible d'en trouver par le cousin de Hyacinthe, geôlier aux casernes et trafiquant plus ou moins avec les militaires. En rentrant, il exposa sa requête au cordonnier. Celui-ci, toujours sous le charme de cette soirée mémorable où il avait rencontré l'argent et l'amour, ferma son échoppe et s'en alla illico trouver son cousin, non sans avoir demandé quelques sous à Anicet pour glisser la pièce au geôlier ainsi qu'un des pistolets pour vérifier le calibre. Le soir au dîner, il posa sur la table de la cuisine une caissette de bois qui renfermait une boîte de poudre, 50aine de balles de plomb du bon calibre avec en outre baguettes et couvillons, tout le nécessaire pour nettoyer et charger les armes. « Nous voilà parés !» s'exclama Hyacinthe. « Nous pouvons faire la guerre à la France entière !»« Ne parle pas de malheur, Bédigas !» se récria Manon. « J'espère bien que nous n'aurons jamais à les utiliser. » Le lendemain, dimanche, toute la bande franchit la porte Notre-Dame, Corentin, Hyacinthe portant une petite malle d'osier contenant des victuailles. En dessous, bien dissimulé, étaient couchés 4 pistolets. Un petit sac contenait quelques munitions. Le but de ce pique-nique champêtre était bien évidemment d'apprendre à tirer aux dames, déjà toutes vibrantes d'appréhension. Ils montèrent jusqu'à un petit vallon encaissé derrière les ruines d'Entremont et après s'être restaurés, ils purent commencer la séance de tir. À tour de rôle, un des membres de la bande montait la garde sur un promontoire pour surveiller toute intrusion. Armande, Manon et Jeanne, habitués à manier les outils, possédaient de la force dans les mains et les bras. Tenir ces lourds pistolets ne leur posa aucun problème. En revanche, la détonation et surtout le gros nuage de fumée les effraya grandement. « Ah, oh bon Dieu, que bourdaladji ! C'est vraiment un outil du diable !» s'écria Jeanne. « J'en ai le bras moulu !» Angèle tremblait tellement qu'on décida de ne pas la forcer à tirer. Utiliser une arme était par trop contraire à sa profession de foi. En revanche, au bout de la 3e fois, les 3 autres femmes furent capables de loger une balle dans un arbre distant d'une 10aine de toises. « C'est dommage que ce soit si bruyant, » dit Armande, « sinon ce serait amusant. »« Certes, » reprit Anicet, « mais n'oublie pas que si tu dois t'en servir, ce sont des hommes que tu auras en face et non des arbres. » Cette remarque si pragmatique fit tomber l'enthousiasme que suscitait cette réunion champêtre.